bébé débarque. T'entends le rap, FAP, l'arbi dans. T'entends les bacs, boum, prends une grosse claque. Pas par les baffes, on débloque. Toute la journée en bas du bloc. Pourquoi parler quand on ne sait pas. Demande au mien, on est parti de rien. On est parti d'en bas, dans le RAP. On est des rapaces sous une carapace. Là où on passe, hess, on laisse la hess. J'ai mis la barre haut, oh, on l'a dépassé. Oh, il te faudra un hélico. Le flow soudé, pas monté en clip. On fait de l'ombre, au rap je glisse comme une éclipse. Puis on s'éclipse, je suis pas là pour faire le beat. Je veux le titre, avant qu'on me tire dessus. Eh bien je me tire de suite, pendant que les chacals tombent dans l'illicite. Après chaque album, oh, on écrit la suite. Au-delà de nos limites, on rappe bien alors on nous imite. Écoutez, écrit comme un mythe anthologique. La concurrence sont des mythos illogiques. On veut faire du fric avec la zig. Fab Larbi, on bicrave nos disques. Partie de rien, partie de zéro. On veut notre part du gâteau et notre liasse de pro. On a du son, on a du flow. Partie de rien, partie de zéro. C'est du P-flow. Partie de rien, partie de zéro. On veut notre part du gâteau et notre liasse de pro. On a du son, on a du flow. Partie de rien, partie de zéro. C'est du P-flow. En poche, pas un euro. On est parti de rien avec mon roné négro. I have a dream, nager dans une liasse de pif. Ici j'ai toujours la même merde. On claque son fric. Ou on s'endette, on s'entête, on s'entraîne dans un domaine où on essaie de faire du zèle sans faire de zèle. Ça tire ou ça recèle. Braqueur de recette, de bar tabac. Ici aussi les Schmitt nous passent à tabac. Sous passe ta gars. Cette fois j'passe mon tour, j'passe là-bas. À ce qui paraît, j'tape que du bluff, Roya. J'tirais une traite, oui, sur la merde et les keufs. Toi, sur le cul des meufs, rien à fourrer. Ça part en virée, en espérant tirer. On vient se faire titrer, l'album aille se faire chiffrer. La concurrence va se faire gifler. Y'aura du sang tant que je vivrai. Partie de rien, partie de zéro. On veut notre part du gâteau et notre liasse de pro. On a du son, on a du flow. Partie de rien, partie de zéro. C'est du P-flow. Partie de rien, partie de zéro. On veut notre part du gâteau et notre liasse de pro. On a du son, on a du flow. Partie de rien, partie de zéro. C'est du P-flow. MC, tu vas bouffer un magasin. Nous voilà sur le ring comme Mac Tyson. Tu ne sais pas ce que tu risques. Clash de lyrics, c'est fini en sanglant de rix. Même décédé, on sortira nos CD. Ro, on n'a jamais cédé. Ils n'auront pas la recette de mon procédé ni mes procédures. Les petits frères ont derrière eux des procédures. Eh hey, gros, c'est dur, la vie dans la hure. Ils nous condamnent d'une main, mais nous sauvent de l'autre. On partira bien un jour ou l'autre. Faut qu'on l'emporte avant qu'un billet casse ta porte. Avant qu'une balle traverse nos tempes. Avant de se faire prendre, j'mets les gaz avec mon ro et mes gars. Au volant de mes gannes, à la bouche un méga. C'est du B à la barre. Dédicace. Partie de rien, partie de zéro. On veut notre part du gâteau et notre liasse de pro. On a du son, on a du flow. Partie de rien, partie de zéro. C'est du P-flow. Partie de rien, partie de zéro. On veut notre part du gâteau et notre liasse de pro. On a du son, on a du flow. Partie de rien, partie de zéro. C'est du P-flow. Dédicace à mon garros. À tous ceux qui partent de zéro. FAB, l'arbitre, dans ta sono.